Et comment vous faisiez la traite des vaches? À la C'était main, flip-flap, à la flip-flap, main. quoi, ça, je tout. À la main. Sauf ici, à Saint-Maur-en-Dien, j'avais pris une place ici, parce que. Et il y avait donc surtout les pâturages, puisque Oui, c'était pour les. pâturage, Il n'y avait pâturage. pas du blé ou de. Oh, très peu, très peu. Parce que ça, c'était le blé, après, c'est l'entreprise qui récoltait. Ben oui, c'est ça. Très peu. La betterave. Betterave pour les Pour vaches, les vaches, les oui, choux. le chou. Puis les pommes de terre, un peu de soi-même aussi. Voilà. Du foin aussi que si on pouvait faire, quoi. Ça, c'est bon, quoi. La prairie, c'était venu Ouais. comme ça Ouais, aussi. de toute façon, il fallait du foin pour l'hiver. Pour l'hiver, il fallait du foin.